L'homme à la tête de taureau dévore sa raison monochrome. Elle éclate sous une pluie étoilée. Dessine sa peau en motif incertain au cœur d'une symétrie où s'élève un champ miroir. La couleur est unique, flamboyante, primaire. Au crépuscule de sa fureur, il danse sous les astres souillés, son corps tatoué au fer au destin. La carcasse est belle, ivre de liberté, les membres, la langue, déliés n'ont plus de sens. La mâchoire claque, mélange, danse les membres. Là, la mâchoire claque, mélange, danse la mâchoire claque, mes langues déliées n'ont plus de sens, brûle au soleil, danse, langue déliée n'ont plus de sens, brûle au soleil, danse, langue déliée n'ont plus de sens, brûle au soleil, danse, la langue danse, les délances brûlent d'ange, méliès, méliès, membres, sol, soleil, danse, sens, soleil, lance, axe, soleil, langue déliée, dans brûle, membre, mela, mélac, d'ange, danse, sens, sens, brûle, lance, mélac. L'axe d'ange, soleil d'ange, mon sang, ma chance, le même chance, c'est mon nom d'embrayer, le chien, le sang, le cœur, le sourire, c'est mal, le sang, c'est mal, le sang, c'est mal, le sang, c'est mal, le sang, c'est mal, le sang, c'est mal, le sang, c'est mal, le sang, c'est mal, le sang, c'est mal. Sa raison monochrome. Dessine sa peau à motif incertain. Livre de liberté. Livre de liberté. Danse langue. Délié non plus. Délié non plus. De sens. De sens. Brûle au soleil, danse langue. Brûle au soleil, danse langue. Dang délié dans. Langue délié dans. Brûle membre, méla mélac. Je sais pas. Relis Théo parce que là je sens mes. Brûle membre, méla mélac. Brûlant, mais là, mais là.